mesdames et messieurs auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à l'écoute de ce journal et de la mi-journée dominicale, et donc voici le sommaire. Le président du Burundi déplore le paiement mensuel de 5 milliards de francs burundais pour l'allocation du bureau de ses différents secteurs. C'était ce samedi à Ruyigi, lors de l'inauguration de son bureau provincial, et plus de 1000 personnes vivant avec handicap sont parmi les bénéficiaires des prestations du ministère en charge de la solidarité. Et enfin, la chronique nutrition de ce dimanche parle des vertus de la goyave. Voilà pour l'essentiel. Vestini Boutouille fait la présentation à la cabine technique et vous êtes avec Eric Ouiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La page infrastructure débute le journal. Le gouvernement du Burundi dépense chaque année 5 milliards de francs burundais dans l'allocation des bureaux de ses différents secteurs. Déplore le président de la République du Burundi à Ruyigi ce samedi lors de l'inauguration du bureau provincial en étage. Évariste Ndayishimiye estime que tous les secteurs du pays doivent avoir leur propre bureau décent. Comme ça, le Burundi aura du respect sur la scène internationale. Suivez-les, traduit en français par Moïse Misako. Vous avez montré un bon exemple pour d'autres provinces. Nous constatons que c'est possible. Il y a ceux qui ont menti que les Burundais sont incapables d'ériger leurs propres infrastructures publiques. Aujourd'hui, vous prouvez le contraire. Vous montrez que c'est possible. Alors, commencez à bien se préparer pour aller au travail, car nous souhaitons voir une infrastructure pareille dans toutes les communes de la province de Ruyigi, des infrastructures pareilles dans toutes les zones, puis descendre jusque dans toutes les collines de la province de Ruyigi. C'est possible. C'est un bon exemple. Tous les Burundais doivent avoir un habitat décent et un bon milieu de travail. C'est inconcevable que le Burundi soit respecté alors que ses services sont dans des simples bâtiments. Les services de l'État doivent être logés dans de bonnes infrastructures. Tenez, le gouvernement burundais débloque 5 milliards par an pour louer les bâtiments pour ses services. Si nous construisons des bâtiments publics pour les services de l'État, ces 5 milliards seront utilisés pour construire combien de routes? Je vous demande de bien entretenir des infrastructures publiques. Voulez-vous que ce soit des étrangers qui viennent construire des infrastructures publiques pour l'État? Je le pense moins. C'est dans ce cadre que nous sommes levés pour ériger nos propres infrastructures publiques. Nous avons déjà vu que c'est possible de construire des écoles, des hôpitaux et des bâtiments pareils. Nous avons même pris la décision de construire un palais présidentiel dans la capitale politique, Gitega. Le président Évariste Ndayishimiye regrette en outre l'égoïsme de certains Burundais. Il explique que dans la distribution des parcelles aux Burundais sans logement, les propriétaires des maisons se placent à la tête de la liste. Et en page sécurité, certains Jonas Ndayishimiye de la colline Kimera Jano, en commune Rororo de la province Ngozi, est locataire du cachot de la police judiciaire en Ngozi. Depuis ce samedi, il est accusé d'avoir tué sa femme Claudine Naomvuki vendredi soir. Le manque de consensus sur la gestion des biens familiaux serait à l'origine de ce forfait, d'après l'administration et la police Rurororo. En septembre dernier, deux hommes de différentes collines ont été assassinés par leurs femmes dans cette même commune. Isanganiro, la radio de l'avenir. Il est 12h passées de 58 dans les studios de la radio Isanganiro. Le journal est continué par la page éducation. Une nouvelle réforme dans l'enseignement du français en 6e année de l'école fondamentale. MIX, c'est l'ancien programme de l'enseignement de ce cours et celui nouveau. Cela permettra de relever le niveau du français actuellement en régression chez les élèves. Propos d'Adelin Nizigima, la directrice communale d'enseignement à Kayanza. Des enseignants de la 6e année en cette même commune apprécient la réforme. Les détails avec Patrick Senghiumva. Certains de ces enseignants du troisième cycle en classe de la 6e année contactés au sujet de cette réforme et de l'enseignement de la langue française, plus de voix qu'il sera d'une grande importance pour relever le niveau de compréhension chez l'élève, en dépit ses lentilles d'y défilier autant. Adrien Senghiumva, il est enseignant de la 6e année à l'école fondamentale Kirema et en même temps représentant du syndicat STEB à Kayanza. Lui, il voit que cette réforme qui a commencé avec le début de cette semaine, il serait mieux qu'elle débute avec le début de l'année scolaire. Toutefois, son représentant du syndicat des travailleurs de l'éducation au Burundi, à Kayanza, salue cette initiative de mixer certaines leçons de l'ancien système d'enseignement et celles du nouveau système. Selon lui, ces derniers jours, c'était comme si l'élève quittait la cinquième année, allant directement en septième année dans le cours de français. Même propos avec une enseignante en ville de Kayanza avec laquelle nous nous sommes entretenus sur le sujet. Celle-ci fait savoir qu'avec le programme du français du nouveau système d'enseignement, certaines leçons n'étaient pas dispensées, alors qu'elle portait sur les questions du concours d'excellence, déplorait-elle. Des informations confirmées par Adalan Nizigama, directeur communal d'enseignement à Kayanza. Cette autorité scolaire en commune Kayanza voit que cette réforme en français permettra à l'élève de bien réussir aussi la 9e année. Des enseignants au cycle fondamental en commune Kayanza aussi interrogés apprécient positivement cette nouvelle réforme en langue française, ce qui d'après eux permettra aux élèves la compréhension d'autres cours, étant donné que le français est une langue d'enseignement au Burundi. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganilo. Merci Patrick Nsengui. On voyait en page société, plus de 100 patients handicapés ont bénéficié des prestations du ministère de la Solidarité Nationale et plus de 400 personnes handicapées ont reçu des béquilles et orthèses à propos d'Imel de Sawashimike, ministre en charge de la Solidarité, ce vendredi. C'était lors de la présentation des réalisations du premier trimestre de l'année 2022-2023. Il a également évoqué que 44 présumés auteurs des violences basées sur le genre ont été arrêtés. Suivez-les. Au centre Sénard, nous avons soigné 1099 patients handicapés et 1477 consultations et 4984 ont bénéficié des prestations. Nous avons effectué 9065 séances de rééducation en kiné physiothérapie. Nous avons effectué 1813 actes de correction orthopédique. 426 personnes handicapées ont été reçues des béquilles, orthèses et prothèses et nous avons produit et livré 799 appareils de mobilité. Nous avons assuré la prise en charge de 93 patients hospitalisés et au centre CNLSP, 60 enfants handicapés sont entrés de suivre les formations en métiers divers. En matière de la promotion de la femme et l'égalité du genre, nous avons formé 150 personnes sur la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre et l'éducation financière. Nous avons arrêté 44 présumés auteurs des violences basées sur le genre et écouté 405 victimes. Nous avons orienté et accompagné 237 victimes des violences sexuelle et basée sur le genre. L'introduction d'une nouvelle approche de lutte contre les violences basées sur le genre dans les communautés qui consiste à une prise en charge psychosociale communautaire. C'était Imer de Sabouchimike, ministre en charge de la Solidarité Nationale. Et en page nutrition, la goyave est un fruit sans graisse en quantité, mais très riche en vitamine C. Jean-Paul Winéza, chercheur nutritionniste, explique que la goyave prévient et guérit différentes maladies, dont hypertension artérielle. Mais l'élément sonore n'est pas encore disponible. On l'aura dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Mais permettez-moi de vous rappeler les principaux titres. Le président du Burundi déplore le paiement mensuel de 5 milliards de francs burundais pour l'allocation des bureaux de ses différents services. C'était ce samedi à Ruyigi lors de l'inauguration de son bureau provincial et plus de 1000 personnes vivant avec handicap sont parmi les bénéficiaires de prestations du ministère en charge de la solidarité nationale. Et voilà, nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour la parfaite collaboration. Vestine Boutou, j'étais à la présentation. Au revoir, passez un bon dimanche.